Donc voilà, je suis avec les deux tatoueurs de Morito Tattoo, c'est bien ça. Donc voilà, bah, si tout d'abord vous pouvez nous parler un petit peu bah, de votre salon, enfin de vous quoi, de votre salon, et voilà. Et du coup, ça fait 3 ans qu'on existe. Après, la première année, c'était vraiment comme ça pour délirer. À la base, c'était vraiment un délire, parce qu'on a fait des études de graphisme. Et on est arrivé sur Toulouse et on s'est dit, bah, tiens, on va faire un peu de graphisme. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était super chiant. On n'était pas du tout préparé pour ça, parce qu'on a étudié en Belgique et là-bas, on n'a pas eu de stage. Donc, on s'est retrouvé un petit peu largué. Et les premiers projets sur lesquels on a bossé ne sont pas très bien passés, parce que ça fait un peu bouffer par les clients. Pour des projets vraiment chiants et enfin, voilà, c'était vraiment une incompréhension générale. Alors, on se tatouait entre nous un petit peu. Et les potes, et les amis d'amis et tout ça. Et finalement, ça finit par se développer un petit peu au fur et à mesure, mais vraiment étape par étape. Et juste au début, donc vous aviez un salon ou c'était vraiment à la cool? Alors, c'était chez nous. On avait une partie de notre appartement qui était réservée comme pour ça. En auto-entreprise, quoi. Et puis après, ben, quand ça a commencé à se développer, on a commencé à prendre un salon privé où on tatouait chacun notre tour, puis un peu plus grand où on tatouait en même temps, et puis maintenant un salon avec pignon sur rue. Voilà, on n'a pas fait le long feu chez nous. Au début, c'était vraiment pour la déconnade et au final on a eu quand même pas mal de monde à la maison, ça devenait un peu dur à gérer, même sur le plan légal et tout, on a essayé de faire les choses au mieux, au plus vite. Et là, ça fait depuis mars 2015 qu'on est installé vers le quartier des Chalets. On a une boutique avec Pignon sur rue et là ça fait une semaine qu'on a pris un nouveau tatoueur avec nous. Très bien. Donc vous êtes 3. Voilà, on est 3. Ok, d'accord. Et j'ai pu lire, il me semble, que vous aviez, bon, du coup, seulement sur vous deux, voilà, que vous aviez un style propre chacun. De tatouage, enfin, si je dis pas de bêtises, hein. Non. Oui, après, enfin, propre, ça... que vous aviez des. Moi, il est pas propre. Non, mais propre. Ouais, si, mais je sais, ça va être plus de la gravure, tout ce qui est ésotérique, du trad aussi, beaucoup de trad, un peu. Le trad, c'est vraiment le tatou à l'ancienne, à l'américaine, avec du bon trait et de la couleur. Ouais, l'américaine, elle a vraiment un côté illustration, qui est à l'ancienne très, très graphique, mais elle va plus virer vers l'illustration, avec un côté très. Enfin, girly, mais pas gnangnan, et vraiment cool. Ah ouais. Et voilà, un truc assez perso, avec des influences assez traditionnelles à la base, mais qui sont vraiment revisitées assez modernes avec son illustration à elle. Quoi. Et Fabien, le dernier qui a rejoint l'équipe il y a une semaine, lui il fait. Juste néo-trad. Ouais, néo-trad, un peu dark, motifs médiévaux, avec des flammes. Donc il y a vraiment sa patte à lui aussi, donc c'est cool. Ça complète bien l'équipe. Ok, et du coup, au niveau de la petite usine, quelle a été votre collaboration avec la petite usine, du coup? Mais à la base, on travaillait avec Anaïs, qui a lancé la petite usine, qui était notre manager de shop. Donc, en gros, elle s'occupait du secrétariat, des mails, de l'accueil client. Ouais. Et à côté, elle montait son petit projet avec Camille, donc ça a mis plusieurs mois. Du coup, on a suivi un peu le processus au fur et à mesure. Et en fait, ça s'est lancé super vite. Je crois qu'en 3 jours, ça y est, elles avaient ouvert leur truc. Enfin, après des mois de... Non, mais je veux dire, elles ont beaucoup de mois de paperasse et d'organisation. Et puis là, bim, d'un coup, c'était lancé. Ça s'est accéléré, quoi. Ouais, voilà. Et nous, voilà, on a toujours vu... Enfin, ouais, on était contents de voir qu'elles faisaient son truc. Quoi, quand tu nous as dit qu'elle avait besoin de visuel pour faire les premières collections, tout ça, elle nous a demandé, on a dit ouais. Ouais, carrément. Vous avez été partant direct. Ça s'est fait naturellement, quoi. Notre pote. Ouais. Et puis on se comprend très bien à chaque fois quand on bosse ensemble. Donc elle a été très claire et c'est allé très. Enfin, franchement, ça s'est fait très rapidement, donc c'est cool. Easy, quoi. Franchement, pour du graphisme là, pour le coup, c'était projet graphisme le plus facile du monde. Ouais, voilà. C'était cool. Et puis c'est un milieu qui nous plaît beaucoup aussi, tout ce qui est. À vêtements, t-shirts, ça va bien avec le milieu du tatouage. Nous, pendant aussi longtemps, ça fait un moment qu'on a envie de faire des trucs, des produits dérivés, des trucs comme ça, et genre on n'a jamais sauté le pas. Et finalement, elle nous a filé l'occasion de faire un truc sans. Enfin, voilà, c'était pas nous qui faisions bon taf, qui appelions des mecs pour faire des séries graphiques ou trucs comme ça. Elle avait son projet, elle nous demandait des visuels, donc pour nous c'était génial. On se casse pas le pied, on a des visuels qui sont incroyables, on est trop contents, puis du résultat que ça donne, quoi, c'est trop cool. Ouais, ouais, non, non, non, c'est vraiment. Elles ont beaucoup d'avenir, là, je pense. Ouais, en vrai, personnellement, ouais, le concept, ouais. Même cycling, enfin tout. Sans écho, on va dire. Bah ouais, le côté local. Enfin, de toute façon, on est dans une période où on a de plus en plus besoin de. Enfin, du contact, du local, de l'intention. Et enfin, nous, c'est ce qu'on essaye aussi d'avoir avec notre boutique, c'est on veut pas être une usine, quoi. On veut pas faire du petit tatou qu'on voit partout. C'est pas intéressant, et puis ça doit être propre à chacun, ça doit être vraiment un truc qui te représente. La même mentalité, quoi. Ouais, voilà. Le côté artisan, tu vois. Ouais, t'as le contact, tu prends le café, on discute. Voilà, on parle de projets personnalisés. Et le but, c'est pas de faire du Pinterest. Ouais. C'est vraiment spécifique à chacun. Et elles sont un peu dans le même esprit, donc ça, c'est cool. D'accord. Et bah, du coup, je pense que... Voilà. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, donc, à votre salon, le chalet? Ouais. Non, c'est le quartier des Chalets. Enfin, le quartier des... Quartier des Chalets. À votre salon, le chalet, c'est le... C'est 9 rue Godolin.